aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Aujourd'hui, je suis avec Victor. Bonjour, Victor. Salut, Jade. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Pêche, la poire, la banane. Tu es très dans les fruits aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce que ce mois-ci, enfin surtout les deux dernières semaines, il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui, du coup, on rattrape le mois d'août. When I heard that the high school where High School Musical was shot had never staged a production of High School Musical, the musical, I was shocked, inspired, and triggered as a millennial. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. World where everyone thinks they can do my job. Check out this guy. When I was a little boy and told people I was. Alors, c'est le 29 août, le jour où on enregistre, et on arrive à la fin d'une ère, à la fin d'une saga incroyable d'anecdotes de tournage, de rumeurs, de commérages. On arrive à la fin de ma passion pour le tournage du prochain James Bond. On n'aura plus d'accidents. Le famoso. Plus de Smash Bros entre les prises, même si Dieu sait qu'on adore ça, même nous d'ailleurs, entre les enregistrements, on se fait des petits Smash. D'ailleurs, revanche bientôt. Plus de tout ça, pourquoi? Parce que le titre du prochain James Bond vient d'être dévoilé, et du coup ça signifie que on arrive à la fin de la production, on entre, je suppose que le film va bientôt arriver, on sent l'arrivée, tu vois. Pour le mois d'avril. C'est très bientôt, c'est dans quelques mois quand même, mais on le sent, on peut presque le toucher du bout des doigts. Et du coup, je trouve que c'est une bonne, un bon endroit pour moi d'arrêter d'en parler. Mais c'est quoi le titre de ce prochain James Bond? Parce que j'en parle. C'est quoi le titre? C'est un peu ironique vu le nombre de presque morts qu'il y a eu sur le tournage. Le prochain James Bond s'intitulera No Time to Die. Je trouve que c'est un peu nul. Ça fait un peu la vibe des James Bond nuls avec... J'ai l'impression qu'ils ont essayé de revenir au, tu sais, genre Demain ne meurt jamais et tout, mais ouais. C'est plus stylé Demain ne meurt jamais que là. Puis c'était stylé quand c'était Pierce Brosnan, alors que Daniel Craig tape des James Bond... Bien Skyfall. Oui, Skyfall, Casino Royale et Skyfall, c'est très chouette, mais c'est très solennel, mais... Ouais, puis c'est bon, là, après... Après, il y a eu Spectre, et c'était connerie sur connerie. Et du coup, là, en plus, je vais pas en revenir, mais j'y crois pas, Rami Malek en méchant, non. On verra. Moi, je demande à voir, de toute façon, tout le monde sait très bien que j'irai le voir, parce que voilà. Donc, No Time to Die, pas le temps de niaiser, pas le temps de mourir. On verra, hein, parce que toujours dans nos cœurs. On verra en plus parce que, bah, comme on a su un nouveau 07, on ne sait pas si c'est nouveau James Bond, mais en tout cas une nouvelle 007, peut-être une ou un nouveau James Bond en plus, on verra bien. Hey, donne-moi ton 07. Oh putain, mon dieu. J'ai l'impression d'entendre, de revivre le trajet que j'ai fait pour venir jusqu'ici. Oh. Donc voilà, le prochain James Bond, je pense que je clôt ce chapitre. Vous ne m'entendrez plus parler de James Bond jusqu'à sa sortie, c'est une promesse que je vous fais. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ce mois-ci ? Il y a eu la Mostra, enfin il y a la Mostra en ce moment de Venise. Qu'est-ce qui se passe là-bas du côté en Italie ? Eh ben, c'est comme l'année dernière, la Mostra de Venise, elle veut contrer le Festival de Cannes. Et c'est... On va dire qu'ils veulent faire encore plus événementiel qu'auparavant, là où la Mostra est quand même très connue pour être un festival très autoriste, c'est-à-dire, en général, on va récompenser des films qui sont 1000 fois plus pointus, je trouve, que la Palme d'Or. Ouais, et puis c'est moins... comment dire, populaire dans le sens où les pas cinéphiles connaissent moyen quoi la Mostra. Quand il y a quelques people qui se ramenaient, ouais, alors voilà. Et là cette année on va avoir que ça, c'est à dire que contrairement à Cannes les films Netflix sont acceptés, donc les gros films Netflix, enfin, y a quand même du Netflix à Cannes, non pas en compétition, mais il y en a très très peu, même en ouais. C'est genre 0,01%, c'est... Et là, en fait, on va avoir tous les gros films Netflix. Donc, le nouveau Steven Soderbergh qui vient de dévoiler ses bandes-annonces The Laundromat, qui parle des Pentagon des Panama Papers. Pentagon Papers, c'est un autre film avec Meryl Streep. Et surprise, Meryl Streep est aussi dans The Laundromat. C'est quoi cette note de sortir, de faire que des films sur les papiers, machins papers. Enfin, on va voir la chanson. Là, le film s'appelle La Laverie, quand même. Hein, les films, les petits papiers, laissez passer les petits papiers. Oui, voilà. Oui. Et il y aura aussi The King de David Michaud, qui avait fait Animal Kingdom, The Rover. Ah, et, Animal Kingdom, je connais. Et War Machine. Il aime bien les trucs, la guerre, les kingdoms, les machins. Et bah là, ça a l'air d'être un truc que certaines mauvaises langues, je ne dirai pas les noms, comme certains messieurs je de Good Taste Police, qui ne croient pas en ce rôle, mais Timothée Chalamet en Henri V. Faut en croire en Timothée Chalamet. Faut en croire. Est-ce qu'on y a cru quand on nous a dit que Timothée Chalamet allait ken une pêche ? Et bah, personne n'y a cru. Et pourtant, on l'a vu. Bon, on l'a pas vu, mais on l'a prévu. On l'a prévu, voilà. Et bah, il sera là, Timothée Chalamet sera là pour ce film-là. Il y a... Le film d'ouverture, c'était La Vérité de mon chouchou Hirokazu Koreeda. Si je mange, je vais dire où l'heure. Ça aurait la classe. Non. José Garcia en ouverture au tapis rouge. Alors, La Vérité, qui est le premier film. En plus, tu dis ça alors qu'il y a La Vérité, si je mange, oui, le préquel. Bah, c'est pour ça que j'ai dit ça, imagine. C'est donc le premier film français d'Hirokazu Koreeda, avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, donc déjà dans Mon Cœur Forever, et Ethan Hawke, donc encore plus dans Mon Cœur Forever. Comment ça fait qu'Ethan Hawke se retrouve toujours dans les trucs français à chaque fois ? Et donc c'est un premier film qui a une histoire qui va de pair avec l'actualité. Puisqu'on parle quand même d'une... Alors, c'est une famille de stars. Et Catherine Deneuve décide de sortir un livre sur sa famille. Et elle va raconter des choses pas très sympas sur sa famille qui s'éloigne de la vérité. Ouais. On pense à un certain monsieur qui a fait beaucoup de conneries. Plus d'un. Beaucoup plus d'autres conneries. Et on dira juste qu'il a réalisé Cinéman. Bon, il n'y a pas que lui. Hein. Y a plein d'autres gars. Ouais. On pense à plusieurs d'entre vous, les gars. On vous envoie plein des bisous. Et j'imagine, il y a de moi qui des temps qui écoute l'émission. Et bah, si tu écoutes cette émission, arrête tout de suite. Et on aura aussi il y aura aussi Robert Pattinson qui va venir pour The King. Et pour... j'ai plus le titre, mais c'est le nouveau film de Ciro Guerra qui a réalisé cette année. J'ai plus le titre, alors que... Les oiseaux de passage. Ah oui, qui était très joli visuellement. Et Bien touchant. il a un nouveau film cette année avec Robert Pattinson Il et est Mike partout, Robert Rylance. Pattinson. Il fait les meilleurs choix de carrière, je Et trouve, Johnny Robert Depp Pattinson. aussi. Voilà, moins Bon classe stylé. que Robert Pattinson. On a aussi quoi? On a aussi. Alors ça, c'est pas la grande classe. Un premier film de super, enfin, de l'univers de comics en compétition, puisque Ah oui, Joker, Joker. le J'ai Joker de tellement Todd hâte. Phillips, qu'elle a Dont mortel. la deuxième et dernière Bon, bande-annonce est sortie il y a voilà. quelques jours et elle est vraiment. Elle me vend du rêve, les bandes. Elles sont tellement bien montées et tout. Rien que la bande-annonce, pour moi, c'est un film Mais génial. on en reparlera après, mais je préfère la première. Elle Bah, je trouve me. que les deux, elles ont. Bon, Elle pour me parler maintenant, les fout. deux, elles ont des trucs. Je sais pas, elles me donnent envie de voir le film, mais différemment, tu vois Ouais, ce que non, je veux mais. dire? Parce que là, dans le second trailer, on voit vraiment que c'est le Joker, en fait. On Mais ce comprend que c'est vrai, ça va être autour de DC et tout. Enfin, Ouais, mais ce que ils ont totalement réécrit le le personnage. perso, et c'est ça que je trouve Mais trop bien. ce que j'adore dans la première, vraiment, c'est là, la bande-annonce, elle est souvent passée au cinéma pendant les Pendant les séances, bandes-annonces, du coup, ouais. pendant les bandes-annonces. Et moi, il y avait quelque chose que j'adorais vraiment dans la salle, c'était de voir les gens suivre la bande-annonce qui est assez classe et tout. Ouais. Enfin, c'est vraiment limite un opéra, quoi. Ouais. Et à la fin, les gens faisaient tous une tête en mode oh! Ouais, En tu sais voyant le pas titre vraiment, Joker ouais. et tout. Et Parce que moi, je trouvais ça justement, ils ont génial. vraiment joué sur le truc de bah, c'est pas le Joker que vous connaissez, c'est un personnage qui s'appelle le Joker et tout, et voilà. Et là, mais dans la nouvelle bande-annonce, tu vois vraiment le. Enfin, tu vois un peu plus de l'histoire. Ouais. Tu vois. C'est plus dévoilé, T'es quoi. plus C'est moins. dévoilé et tu vois ce qui va se passer. C'est moins Puis suggéré. donc Fou, c'est hein, je suis doué avec les réalisé mots. par Todd Phillips qui a quand même fait les Very Bad Trip, Retour à la fac, Starsky et Ça a Hutch, tout rien à ça. voir, ça a Donc ça plus a rien rien à à voir. voir, mais je trouve ça, Mais c'est pour ouais. ça qu'il me rend encore plus curieux. Ouais. C'est produit par Martin Scorsese. Ouais, je savais Et pas ça. donc ce qui est encore plus charmant, c'est que le film se passe dans les années 80 et il y a Robert De Niro dedans. Oui. Et Et Zazie Beetz aussi. il y a une petite vibe, la valse des pantins, The King of Comedy, Je connais pas, qui est mais. un de ces, en fait, c'est un de ces films les moins connus du grand public à Scorsese, mais c'est un de ses meilleurs pour moi, et qui est trop classe. Et c'est l'histoire d'un mec qui est joué par Robert De Niro, qui, comme on le voit dans les bandes annonces du Joker, son rêve, c'est de faire rire les gens. Ouais, c'était C'est la grande mode dans ces années-là du stand-up, de du passer stand-up. à la Enfin, c'est toujours maintenant, mais télé. c'était le boom, on va dire, du stand-up à ce moment-là. Et son rêve, c'est de faire rire les gens. Et il essaye de solliciter l'aide d'un présentateur de Late Show joué par Jerry Lewis. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle parce que c'est Jerry Lewis qui Très se met aussi en apte. abîme. Ouais. Et en fait, il va être tellement dans la détresse et tout qu'il va séquestrer Jerry Lewis Charmant. pour avoir en fait Pour être son successful, pour avoir du succès. pour avoir son succès et son passage à la télévision en fait. Bah, tout ça pour ça. Et c'est complètement dingue. Enfin, c'est drôle mais à la fois très malaisant. Ouais, comme Parasite. Comme On en Parasite ou parlait en peut-être off. Je reviens du coup au Joker et du coup on revient à la La Mostra. Il y a quoi Mostra. d'autre à la Mostra? Et il y a Ad Astra, ça c'est aussi ma grosse, grosse, Il n'y grosse, a pas eu grosse aussi attente. un. Ah non, c'était pas ça. Lequel? J'allais dire, il n'y a pas eu une nouvelle bande-annonce de Ad Astra, mais non, c'était Il y a Lucien une Desailly. trailer IMAX que j'ai pas Ouais, c'est vu ça. parce que je voulais pas trop en voir, mais il y a Ad Astra justement avec Brad Pitt, James Gray, donc que demande le peuple? Ben rien d'autre. On a aussi, alors ça, encore une fois, il y a plein de grosses attentes pour moi. Ce qui fait que j'ai un peu le seum de pas être à Venise. On a tous le seum de ne pas être à Venise en ce moment, surtout quand on voit où on est actuellement. Et il y a Marriage Story. Ah, Donc de de Noah Noah Baumbach. Bombard, donc Bombard. Bombard, Je on sais sait pas comment ça se pas. prononce. Noah. Et de Noah, voilà, Avec Yannick, Adam Driver. Adam Driver et Scarlett Johansson et Laura Dern. Ah. Et en gros, ça va être un truc semi-autobiographique où c'est Noah Comme un peu Baumbach, tous ces films, non? ouais, qui va raconter son divorce. Donc c'est le divorce entre un metteur en scène et une actrice. Donc difficile de pas repenser à ce qui s'est passé avec Noah Baumbach et Jennifer Jason Leigh. Et ouais, bah là, les premières bandes annonces sont apparues et ils ont la particularité de montrer la même histoire mais De selon deux le points de vue point de vue différents. Ouais, je trouve ça bien qu'ils aient fait ça. donc de l'homme et de la femme, et je suis très curieux. Enfin, s'il y a une petite vibe Kramer contre Kramer, il y a beaucoup de vibes en ce moment dans ces films. Ouais. Et voilà, moi qui adore les films comme Kramer contre Kramer, ces Qui adore de loin. mélodrames new-yorkais, tout ça, ça va être Ouais. super. Et on a aussi ça, c'est le seul truc qui fait jaser, et on peut comprendre, c'est Roman Polanski qui se débarque, enfin, qui va pas débarquer Bah du parce coup, qu'il peut pas. parce qu'il peut pas, qu'il va juste se À taper juste titre. un petit Skype sur grand C'est écran ça. Bonjour. pour J'accuse, qui est Mais son film sur l'affaire Dreyfus son avec. film, c'est ironique comme titre, je trouve, venant de lui. Et donc voilà, il va le présenter en. Je crois que c'est un des seuls réalisateurs français et qui présente. Il y a aussi Robert Guédiguian qui fait encore ses films avec Jean-Pierre Darroussin, Anaïs de Moustier. Et c'est vu comment était superbe son dernier film. Moi, je suis chaud, hein. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres films à. Il n'y a pas The Lighthouse parce qu'il est tellement partout, mais Et ça bah m'étonne qu'il n'y non, soit pas. bah non jamais, Eh ben non! il n'y est pas, il sera à l'Étrange Festival, Ah, de et Paris. il y a une date de sortie, par contre. Ah, il va sortir en France? Il sort en France au cinéma Ah! pour la fin décembre, le Eh 18 ben voilà, bah, décembre. je suis ravie. Je suis Donc, ravie parce que Willem Dafoe et encore une fois Robert Pattinson qui fait les meilleurs choix de carrière, et voilà. ben je sais. C'est que demande le peuple, et ben le peuple demande aussi ça, Voilà, il apparemment. demande aussi ça. Et ben voilà, bah la Mostra de Venise qui a commencé hier, avant-hier, au moment où on Hier, enregistre, et qui dure jusque la la semaine semaine prochaine. prochaine, samedi de la semaine prochaine. Et ben voilà, renseignez-vous, si allez voir le palmarès la semaine prochaine si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre très vite fait? En août, on a eu des petites news. Des cheats. Ce live action maudit de Uncharted, le jeu vidéo, donc le live action du jeu vidéo, a perdu encore un réal en la personne de Dan Trachtenberg, qui a dit c'était des différents créatifs ou je sais Artistique, pas quoi. voilà, Ouais, du donc coup, comme il est d'hab parti. avec les réals. Ouais, c'est un peu. On sait jamais vraiment si c'est vrai ou pas parce qu'on sait pas ce qui se Et passe derrière, mais pourtant. souvent c'est le. Apparemment c'est vrai parce qu'il a. Enfin, c'est vrai, il a expliqué entre guillemets sur Twitter où il a dit je suis content d'être à. En gros, en très gros, je généralise, il a dit qu'il était très heureux de pouvoir dire qu'il avait le Quitter. privilège de pouvoir partir d'un Ouais. projet pour des différents artistiques. Parce qu'il était arrivé à un stade de sa carrière où il pouvait se Mais permettre ça. Ce que je trouve très mignon. ce qui est bête, c'est que ce réalisateur-là, alors je sais plus son, je sais pas prononcer, Dan Trachtenberg. Trachtenberg, bah concernant le jeu vidéo, je trouve que il aurait pu faire quelque chose de bien parce que c'est attention, parce que c'est la première fois que je vais dire du bien de cette série Oula. à l'antenne. Oula. C'est quand même c'est le mec qui a fait l'épisode de Black Mirror avec Wyatt Russell qui fait de la VR. Enfin, qui fait un jeu en VR style Resident Evil et qui a peur, il y a des araignées cheloues, géantes. Ah oui! Ah oh putain, il est Et dans le flippant cet cadre du jeu épisode. Ah, je vidéo, savais pas que c'est. c'était lui qui l'avait Dans réalisé. le cadre du jeu vidéo, bah, c'est classe, Ouais. c'était propre et tout. Et Mais pour du coup, Uncharted. je me demande de. Et il avait fait 10 Cloverfield Lane aussi, qui était Du coup, cool. si c'est une personne qui aime les jeux vidéo, qui est partie pour des différents artistiques d'un C'est. projet sur les jeux vidéo, c'est j'ai moyen confiance en le Ouais. projet, quoi. Même si c'est Tom Holland Mais Tom en passage. On va en Holland, reparler, mais il attends, en attends, a. attends, attends, attends. On a des choses à dire sur Tom Voilà. Holland, lui, il en a gros sur la Mr. patate. Stack, I don't feel so good. Moi non plus, I don't feel so good. Hein. On va parler très, très, très vite, mais non, mais autre petite news, enfin petite. Matrix 4! Ouais. Le tournage commence en 2020 avec évidemment Keanu Reeves et Carrie Anne Moss toujours dedans et réalisé par Lana Wachowski. Lily, je sais pas si elle est dans la boucle ou pas, j'en sais rien. Non. J'ai vu Lana partout, mais j'ai pas L'auteur vu. de Cloud Atlas du bouquin sera au script aussi, sera au Oh! scénario. Voilà. Meilleur film de Alors là, 2020 déjà. on Alors le je voit sais qu'il y pas a à Dune et tout l'écran. qui sortent en 2020, mais meilleur film de 2020 directement. Alors non, excuse-moi, le meilleur film de 2020, il sortira en janvier et ce sera avec Will Smith et Martin Lawrence. Il s'appellera Bad Boys 3. Putain, mais écrit, je savais pas que c'était le gars qui avait écrit Cloud Atlas. Je suis encore plus hypée, mais à un point, imagine, il faudrait que je me refasse la trilogie parce que je me souviens absolument pas du 2 et 3. Enfin, que je me refasse le 1, Animatrix, le jeu Matrix, le 2 et le Enter 3. the Matrix. Parce que c'est, ouais, mais c'est ça l'ordre en vrai. Il faut regarder le film parce que c'est tellement... C'est ouf, comme... je vais pas parler mille ans de Matrix, mais la saga Matrix est ouf parce qu'elle est intermédia. Et je crois que c'est une des premières sagas de films à avoir fait ça. Et c'est fou parce qu'il faut jouer au jeu et avoir vu Animatrix pour comprendre tout l'univers et le plot du 2. Et voilà, c'était mon, mon appréciation de Matrix, le Matrix cast. Je n'ai vu que le premier. Et ben, faudra qu'on regarde le 2 et le 3. J'ai les steelbooks qui sont là dans ma DVD tech. Mais je me souviens plus du tout du 2 et du 3. En plus, ils étaient sortis à quelques mois de différence. Bah ouais, mais moi, j'avais pas le droit de les voir et quand ils étaient sortis. Moi, j'ai pas les voir, mais je m'en souviens plus. Donc, j'ai vu le monde de Nemo à la place, à la sortie. Bah, c'est bien le monde de Nemo, et ouais. Tu t'en souviens. Pas comme Matrix, je m'en souviens plus. Mais il faut que je me refasse toute cette saga avant... je sais pas, 2021 certainement. Je sais qu'il y a Lambert Wilson qui dit des gros mots en français. Oui, bah évidemment, il y a Lambert Wilson, ça c'est un souvenir impérissable. Bon, maintenant, attendez deux secondes. Je vais sortir mon tableau, mes craies, et je vais mettre mes lunettes. Attention, ça va faire la bruit du craie. Parce que je vais vous faire un petit cours trop bien. De... Merci. Je vais vous faire un petit cours de droit, un petit cours Marvel Sony, un petit cours Entertainment, production, argent, recette, box office. On va parler de la fin d'une autre ère, évidemment, de la fin de Spider-Man au MCU, ce qui m'attriste énormément, parce que... Bon, on va en parler. On va commencer du début, il y a plusieurs années de ça. Tintin. A long time ago. Il y a plusieurs années, Marvel Entertainment, et non pas Marvel Studio qui fait les films, Marvel Entertainment, tout Marvel, donc les comics, tout ça, avait vendu les droits de cinéma de Spider-Man à Sony pour sauver son cul de la faillite, parce qu'ils étaient en faillite, et du coup ils ont vendu à Sony, ils ont vendu Spider-Man, à la Fox ils ont vendu les 4 Fantastiques et X-Men, il me semble, c'est ça. En gros, ils ont vendu les droits de quelques équipes et personnages pour pouvoir se sauver de la faillite. Ça a marché, il remonte la pente. Sony a pu s'offrir et nous offrir une trilogie et 2 autres films Spider-Man. Tout le monde était content, en comptant. Et en 2015, le Saint Graal pour les fans du MCU, moi incluse, Marvel et Sony font un deal pour que le perso de Spider-Man puisse intégrer le MCU, l'univers étendu des films Marvel, et du coup faire partie des Avengers dans les films, tout en... Est-ce que cette phrase... Je m'embarque dans une phrase, je suis pas sûre qu'elle soit française. Tout en même temps que Sony puisse continuer à développer d'autres films, puiser l'univers de Spider-Man, comme Venom par exemple, et faire partie intégrante de la boucle de production des films Spider-Man. En gros, les deux studios ont des droits sur le personnage et doivent payer les films créés sur le personnage. Tout se passait bien. Tom Holland rejoint le MCU, Peter Parker est la meilleure itération de Peter Parker au cinéma que j'ai jamais vu de ma vie, je l'aime. Il est dans 5 films, il commence dans Civil War et il termine, malheureusement, dans Far From Home qui est sorti cet été. Qui devient d'ailleurs le plus gros succès commercial de Sony, qui passe devant Skyfall, il me semble. On revient, la boucle est bouclée. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont mis fin à ce deal? Pourquoi cette rupture? On connaît pas tous les détails, évidemment, parce qu'on n'est pas, on travaille pas là-bas, quoi. Si vous travaillez là-bas et que vous nous écoutez par miracle, expliquez-nous. Allez Sony, lâche les dos. si je me trompe, bah expliquez-moi. Mais du coup, certaines choses ont circulé et on en sait quand même un petit peu. En gros, des recherches extensives, exhaustives que j'ai faites, Spider-Man, le personnage, peut exister dans le MCU, et Marvel est libre de le mettre dans n'importe quel film, que ce soit un film Spider-Man ou un film comme Avengers avec d'autres personnages, un film de groupe. Et en échange, les films solo de Spider-Man sont à la fois Marvel et Sony, ce qui veut dire que les deux studios récoltent les sous. Non, ce qui veut dire que les deux studios participent à la production financièrement, au marketing et tout, et que les deux studios récoltent les sous. Mais dans les recettes, Disney ne peut avoir que 5% des recettes des films Spider-Man. Donc Far From Home, Homecoming et tous les films dans lesquels Spider-Man apparaît. Non, dans les films solo, pardon. Donc dans Homecoming et Far From Home, Disney n'a reçu que 5% des recettes et Sony a eu les 95% restants. Cependant, Disney et Marvel gardaient tout l'argent du merchandising. Donc en gros, les costumes Spider-Man, les ballons Spider-Man, tout le truc Spider-Man, ce qui est un très bon calcul, quand tu sais que Spider-Man, c'est le super-héros le plus populaire et que c'est le truc que tous les gamins, même qui connaissent pas, qui ont jamais vu un film Spider-Man ou jamais ouvert un comic Spider-Man, vont vouloir. Si tu veux le coussin avec des super-héros, ça va être celui avec Spider-Man, tu vois. Donc c'est un bon calcul, donc machine à sous assurée pour Disney. Et Sony, en même temps, ils ont 94% des recettes, donc jusque-là, tout se passe bien. Homecoming se passe en 2017, Far From Home en 2019, ce qui est logique parce que Sony voulait un film tous les deux ans. Du coup, logiquement, on aurait eu le troisième, la fin de cette magnifique trilogie, en 2021. Mais le partenariat s'est terminé. Oh, alors moi, je vais mettre des... Oh. Merci pour faire les bruitages. Il s'est terminé ce mois-ci en août, visiblement. Il y aura peut-être d'autres retournements de situation prochainement, on ne sait pas. Mais pourquoi ? Parce que Disney voulait plus que les 5% des recettes, en plus du merchandising. Du coup, Disney propose de faire 50-50 des sous, des recettes, du box-office, tout ça. Des futurs films Spider-Man, donc du 3. Et apparemment, ça s'élargirait aussi au potentiel spin-off, comme Venom 2. Qui va arriver. Ça va arriver avec Andy Serkis à la réelle. Et le chef-op de Once Upon a Time in Hollywood qui fera qui fera la photo aussi de Venom 2. Ah, sérieux, c'est chambé. Donc, du coup, Disney voulait faire 50-50 des recettes sur les futurs films Spider-Man et apparemment, mais ça c'est pas confirmé, c'est qu'une rumeur, aussi sur les spin-offs. Donc là, qui sont pas dans le MCU du coup. Donc Spider-Verse, par exemple. Supposons qu'il y a... Non, parce que... je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment un spin-off Spider-Verse. C'est vraiment à part. C'est Spider-Man. Mais je sais pas si c'est inclus dedans. Je sais pas trop. Du coup, tout en couvrant la moitié de la production des films aussi. En gros, ils font 50-50 sur tout. Mais du coup, Sony dit non. Parce que... Et ils sont malins, quand même. Sony préfère avoir 95% de 800 millions de box-office... que 50% de 1 milliard, parce que ça fait toujours plus, tu vois. Tu préfères avoir 800 millions que 50% de 1 milliard, c'est logique. Disney, pensant à défaut que Sony, le studio, ait besoin d'eux pour survivre et pour exister, du coup, ils persévèrent, ils disent « Oui, mais non, 50-50, parce que vous avez... nous, en gros, l'idée derrière serait... qu'ils mettent le même travail, du coup, que ce soit à part égale. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils ont le merchandising en plus. Et Sony dit, bah ouais, mais on a les droits depuis... J'imagine tellement les exécutifs de Sony qui... Tu sais, la grande réunion, il y a une énorme table de 1000 mètres et tout, et le gars, il fait, pas d'accord. Non. Pas content. Du coup, Disney. Et du coup, Disney est pas content. Et du coup, pray for Spider-Man et bring Spider-Man back et tout ça, hashtag, tous les hashtags sur Twitter. Mais en gros, du coup, les bails, c'est que Disney voulait plus que ce qu'ils avaient déjà. Et Sony, il a dit non. Ils ont dit non. Et en gros, voilà, Spider-Man ne fait plus, à ce jour, partie du MCU, ce qui me rend incroyablement triste. Ils ont fait un snap comme Thanos. Ouais, ce qui me rend incroyablement triste parce que franchement, moi j'adorais cette version de Peter Parker dans le MCU, j'adorais comment il s'intégrait au MCU. Cela dit, c'est pas la fin pour Tom Holland parce que lui, son contrat, il est toujours signé et il lui reste il lui reste deux films dans son contrat. Du coup, le Spider-Man de Tom Holland, enfin Tom Holland en Spider-Man continuera d'exister juste chez Sony et plus dans le MCU, chez Marvel Studios. Puis de toute façon, Tom, il peut toujours demander un conseil à son papa qui était quand même président de la France. Bah oui, bah après je sais pas s'il influe beaucoup. Quoique, on entend plus beaucoup parler de lui, ça se trouve c'est lui derrière les bureaux de Sony. Hein. On sait pas, hein, c'est lui. Voilà. Comme ça, hein. On sait pas. Mais du coup, moi je tiens à faire passer un message. Bonne chance à... Oh putain. Bonne chance au scénariste du MCU pour tout réécrire, surtout après la fin de Far From Home, qu'on ne spoilera pas si vous l'avez toujours pas vu, mais après cette fin, cette scène post-générique là, bon courage pour tout réécrire, enlever un personnage entier sans faire un truc du genre il est mort ou il est parti vivre, je sais pas bah, où. En fait, vu il a changé de planète. Vu comment. Comme dans les Simpsons, on en revient aux Simpsons, mais. Faut toujours une référence Simpsons, sinon c'est pas un vrai, une vraie émission. Ils font disparaître Tom Holland comme ça dans l'image, et tu vois, il y a une note toute chum qui va marquer Spider-Man est mort et, en revenant sur sa planète. Avec Pucci. Mais du coup, en vrai, sérieusement, comme à la fin de Endgame, il y a un peu un nouveau roster de Avengers qui va arriver, donc un nouveau Captain America, un nouveau Iron Man, tout ça. Peut-être que du coup, il y aura un nouveau Spider-Man, enfin une nouvelle version de Spider-Man, donc Spider-Gwen, Silk ou Spider-Woman ou même Miles Morales, tu vois. Il y a tant de possibilités, tant de choses possibles. Ou même pas une nouvelle version de Spider-Man, mais juste des nouveaux personnages. Allez, et voilà quoi. Faites-nous claquer un petit Childish Gambino en... Ouais, mais il est trop vieux. Moi, c'est un problème aussi que j'ai. On va en reparler tout de suite, d'ailleurs, parce qu'on va parler de l'expo Disney, là, la D23. Mais je trouve qu'il est, il est trop vieux pour faire un ado. C'est en ça que Tom Holland était un pur choix de casting, parce que c'était le seul Spider-Man qui n'est pas 45 ans à l'écran, tu vois. Timothée Chalamet, au pire. Hein. Ouais, mais il a déjà assez de travail. Attends, le mec, il est sur Dune, il est sur The King, il est sur machin. Je suis sûre qu'il a 1000 projets en stock. Mais donc voilà, c'est ça le. Je range mes lunettes, je dégage mon tableau. C'est ça les, c'était ça les bails Disney-Sony. J'espère que c'est plus compréhensible maintenant. Et que la plupart des gens arrêteront de crier au scandale sans savoir de quoi ils parlent. Même si crier au scandale en sachant de quoi vous parlez, ça change rien. Parce que les gens derrière chez Sony et Marvel en ont peu à faire. Disney, on continue sur Disney. Il y a eu la grande expo D23 aux States. Ils ont été incroyables, hein, ce coup-là. Avec énormément d'annonces. Parce que justement, pendant deux jours, c'était tellement bien ce temps où tout le monde critiquait l'hégémonie Disney par rapport à Spider-Man. Sauf que deux jours après, il se passe quoi ? La D23, ouais. Et on est tous focus sur quoi ? Sur le film de Noël avec Anna Kendrick et Bella. Tu es très focus sur ça. Pas tous, toi. Tu peux le dire. High School Musical. Ah oui, l'annonce de la série High School Musical que... j'ai hâte. je l'avoue à demi-mot, j'ai très hâte. Plein d'autres annonces, plein d'annonces de Disney et notamment Marvel. On va commencer tout de suite par ça parce qu'il faut que j'en parle, il faut que j'extériorise. Tu te souviens quand j'avais parlé de Mindy Kaling et comme quoi elle avait parlé avec des gens de chez Marvel Studios du personnage de Miss Marvel, Kamala Khan, et de l'amener à l'écran et de, apparemment qu'ils étaient intéressés. Tu te souviens quand j'avais dit que c'était que des bruits de couloirs et des rumeurs ? Et ben, Disney, et ben, il s'avère. T'as dit que t'avais tort. Ouais, pour mon plus grand bonheur, ça s'avère être vrai. Parce que la série Miss Marvel va exister sur Disney+, mais enfin, en streaming pour nous en France, très certainement. Enfin, illégalement. Mais j'ai énormément de hâte, je suis très heureuse que ce personnage arrive à l'écran. Et j'espère j'espère vraiment qu'elle va être bien écrite, qu'elle va être bien castée, que ça va être fait avec bienveillance et honnêteté et amour du personnage. J'espère que Mindy Kaling sera dans la loupe parce qu'elle avait l'air très, très intéressée et amoureuse de ce personnage. Donc j'ai énormément de hâte. Il y a donc Miss Marvel. Ça tombe bien que tu parles de Mindy Kaling parce qu'on en reviendra dans les recommandations. Ah bah super, tout est lié dans cette émission. Autre annonce Marvel, la série She-Hulk, donc sur comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, Jessica quelque chose ou Jennifer quelque chose. Alors là, Jessica Banner. Tous les fans de Marvel me tapent dessus et je me tape dessus moi-même parce que j'ai oublié le nom d'un de mes personnages que j'aime beaucoup. La série Moon Knight aussi. J'aimerais beaucoup voir Keanu Reeves dans ce rôle, je sais pas, random. Mais total, je crois mais... que c'est a été annoncé que ce sera Kit Harington. Non, il joue dans Les Éternels. Non, ça c'est Richard Madden. Non, il y a Kit Harington dans Les Éternels qui va jouer Black Knight. Ok, alors, ok, j'ai confondu. Tu peux pas me... Voilà. Qui va jouer Black Knight. Et il y a aussi Gemma Chan qui avait déjà joué dans Captain Marvel, qui avait un rôle très secondaire, qui va jouer Cersei dans Les Éternels. Autre annonce à la D23. Cersei, c'est King's Landing, Jaime Lannister, tout ça, non ? Non, ça c'est... J'ai pas la ref. Moon Knight, donc. Il y a aussi Moon Girl et Devil Dinosaur. Et j'ai très hâte, ça va être animé, ça, Devil, par contre. Devil Dinosaur. C'est super non. con, c'est un personnage ultra con, mais je l'adore. Devil Dinosaur. Oui, un dinosaure. C'est un dinosaure tout rouge. Ça a l'air... Rien que ça, c'est tu vois, bien. J'imagine le truc. Je dis banco. Mais c'est une petite fille qui a genre 10 ans, une dizaine d'années, et qui est la personne la plus intelligente sur la Terre. Donc déjà, ça place le truc. Elle m'a pas rencontré, hein. dans l'univers Marvel. Peut-être que dans le vrai univers, c'est toi. Je sais pas. Mais donc, Moon Girl, Luna Lafayette, qui est une petite fille, qui est la personne la plus intelligente du monde sur la Terre, de l'univers même, je crois. Et ce dinosaure. Qui est rouge. Hein, ça a l'air charmé. C'est juste un dinosaure rouge. Ça a l'air charmé. Il parle. Il parle le dinosaure. Non, il parle pas, mais je crois qu'ils ont un lien. Enfin, ils se comprennent quoi. Mais le dinosaure, okay. Il fait. Ah, dommage. Genre, on aurait pu mettre la voix d'Henri Guibé, de Rex, de Toy Story. Ça se trouve, ils vont le faire parler dans le dessin animé. Ce serait génial. Et du coup, ce sera animé. Je sais pas si c'est une série animée ou si ce sera un film animé comme Marvel Rising, Secret Warriors, qui sont des films. Je crois Freeform, ABC, je sais pas quoi, qui sont très bien, qui sont super. Donc voilà, on aura ça. On aura aussi apparemment, ça n'a pas été annoncé à l'expo, mais ça a été annoncé après. Enfin, c'est des trucs qui sont sortis après. Une série America Chavez, donc sur Miss America. Et on en revient, tu disais Childish Gambino en Miles Morales, et j'ai dit non, il est trop vieux et tout. Apparemment, il y aurait Stéphanie Beatrice qui avait dit qu'elle était intéressée pour jouer America Chavez. Sauf qu'America Chavez, elle a 15 ans, donc je t'adore, okay, Stéphanie, c'est hein, mais c'est non, enfin désolé, hein, tu peux pas jouer Nado, même si je t'aime beaucoup. Black Panther 2, en mai 2022, donc pour Marvel c'est tout, mais il y a eu d'autres annonces. On a eu l'annonce d'un nouveau film d'animation qui s'appellera Raya and the Last Dragon, avec Awkwafina, il me semble qu'il va faire la voix du dragon, il me semble. Sinon... j'allais dire Frozen 2, mais non, c'est le trailer de Frozen 2, ouais. la Reine des Neiges 2 qui est sorti. Et sinon, il me semble que c'est y a Noël. Noël, c'est ça, Noël. Donc voilà, moi, je le vois juste en guilty pleasure. Mais faut arrêter de dire plaisir coupable. Faut pas se sentir coupable d'avoir du plaisir, enfin. Cimer et Matt Thompson. Tu comprendras pourquoi j'ai dit ça après. D'accord. Comment? Voilà, un film de Noël avec Anna Kendrick et Bill Hader qui vont jouer les pères et mères Noël. Ouais. Sœur, père, sœur Noël, je sais pas comment ils vont dire. Et oui, ça va être le film qu'on va regarder avec un chocolat chaud et des granolas. Est-ce qu'il sort en Noël? Il sort en novembre, donc ouais, le timing est un peu chelou, mais... Mais à Noël, qu'est-ce qu'on a? Star Wars 9, dont la bande-annonce est sortie aussi ce mois-ci. Ouais, mais dis encore une fois... Non, arrête de faire ton rageux. 10 balles et 1 mars que le fameux plan... Oui, bah ça, c'est sûr que c'est genre un rêve, ou alors c'est une vision, comme il y avait eu dans le 8, où elle avait des visions et tout, tu vois. Mais on s'en fout, bien. Parce que c'est stylé. Mais oui, ça va être trop charmé. Ça va être bien quand même. J'ai tellement hâte de revoir Oscar Isaac, et de revoir John Boyega, et... Faites, et Adam Driver. Faites s'il vous plaît. Un bisou. Que Finn et Poe deux, voilà. Soient ensemble. S'il vous plaît, Disney, mettez vos couilles sur la table. Vous l'avez fait avec la série Andy Mac, où vous avez fait le premier personnage gay d'une série Disney pour enfants. Et vous avez fait un couple à la fin de la série. Et bah faites-le pour Star Wars, s'il vous plaît. La meuf, je m'énerve, mon micro a failli tomber. Mais oui, du coup, ça a l'air charmé. La bande-annonce est vend du rêve, mais en même temps, c'est les bandes-annonces Disney. À chaque fois, elles sont calculées au poil de cul pour que t'aies envie de voir le film. Il y a eu le trailer de The Mandalorian aussi. Qui est aussi pareil. Bah là. Moi, franchement, l'histoire... Enfin, je m'en fous totalement de cette histoire des trucs de chasseurs de primes et tout. J'ai la flemme de suivre un mec en armure pendant des épisodes et des épisodes, mais le trailer, il est magnifique. Il vend du rêve, et surtout, voilà, moi, c'est numéro uno de l'argumentation. Werner Herzog en méchant de Star Wars. Oui. Donc, forcément, on me vend ça. Donc, Werner Herzog, réalisateur allemand complètement timbré, mais aventurier. C'est un aventurier du cinéma, il va faire n'importe quel défi, c'est un peu le Man versus Wild du cinéma. Ça le décrit bien, je crois. Et donc en méchant Star Wars, quoi, ça fait... avec sa voix complètement rauque et avec son accent allemand, et ça va être, c'est trop bien. C'est rien que ça, c'est. Mais franchement, le trailer, Jon Favreau, tu peux arrêter tes lions en images de synthèse moche, tu mets juste Werner Herzog en méchant Star Wars, je sais J'avoue. très bien. Mais franchement, si vous avez toujours pas vu l'abondance, allez la voir, parce que même si comme moi ça vous intéresse apparemment pas le moins du monde cette histoire, l'abondance est vraiment magnifique et enfin elle est trop bien montée, trop bien. Tout est bien choisi, les plans, la musique, tout elle est trop bien, elle est parfaite. Si la série me saoulait, bah, je re-regarderais l'abondance, parce que pour moi c'est un petit court-métrage super. C'est tout pour les annonces Disney importantes slash intéressantes, je crois. Oui. Ben du coup, on va passer aux recommandations du mois d'août. Allez, on passe aux recommandations du mois d'août. C'est la solution de tous nos problèmes. Jim, c'est impossible, on ne pourra jamais. Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors Victor, moi j'en ai trois, toutes dans un domaine différent. Est-ce que t'en as plusieurs ou t'en as qu'une seule? J'en ai plusieurs. Ben vas-y, commence, on va faire un ping-pong. Alors, Chacun on son tour. parlait de Mindy Kaling et de Emma Thompson. Ouais. Et alors moi, c'est un petit film assez modeste que j'ai vu la semaine dernière en salle qui s'appelle Late Night. Ah oui, j'ai envie de le voir. Qui paye pas de mine, c'est très classique, mais c'est en gros c'est Mindy Kaling qui va jouer une rédactrice pour une émission de late show. Donc ces émissions dont je suis sûr que vous avez tous vu, vous suivez tous par l'intervention de vos stars préférées ou des happenings qui se passent. Donc c'est Jimmy Fallon, Stephen Colbert, James Corden, tout ça. Et elle va entrer dans cette rédaction qui est essentiellement composée de mecs blancs. Oh bah tiens. Bah tiens, donc Ce c'est pas serait pas un miroir de la réalité par hasard. et qui est menée par une présentatrice jouée par Emma Thompson, La grande, la grande l'unique, Emma la seule Thompson unique. qu'on aime tous et qu'on Je aime l'aime encore tellement. plus dans ce film, qui est les deux vont devoir faire équipe et tout pour redynamiser l'émission qui est en perte d'audience et Emma Thompson était sur le point de se faire virer. Et donc, Pardon. oui, c'est très fun. Ça parle de sujets. Alors, ça parle un peu au tractopelle, mais bon, c'est un peu l'écriture de Mindy Kaling. Ça contacte tous les sujets du moment, en fait. Donc, évidemment, on va parler de MeToo. Évidemment, on va parler des mails hackés, comme ce qu'il y a eu avec Sony il y a quelques années, avec Amy Pascal. Ça va parler de tous ces sujets-là, mais. Et ça le fait bien, ça a le mérite d'être pertinent et pour une c'est drôle, enfin c'est vraiment un feel good movie Oui, j'ai envie de le voir. qui se regarde avec plaisir et Emma Thompson et Mindy Kaling Ah, ont mais trop la Emma classe. Thompson, je l'adore tellement, Elle elle a est si beau drôle. jouer les grandes méchantes Boris Johnson dans Years and Years Ah, putain, mais hey, j'adore cette actrice. Et en plus, elle est super. En tant que personne, elle est trop drôle. mais oui. Donc, du Et coup, donc Late Night, c'est Late ça? Night et toi, t'as Alors, moi, branché j'ai un un film à ping-pong. recommander, qui est un Je sais film c'est quoi. merveilleux. Mais franchement, moi, je vais faire une campagne de réhabilitation de ce personnage, parce que je suis sûre que. Si le dessin animé n'avait pas existé, si ça avait juste été, si elle avait été créée avec ce film et tout ça, si ça avait pas été vu avant comme un truc pour enfants, eh ben tout le monde aurait kiffé ce film et il n'aurait pas aussi autant bidé en France tout ça. Je crois que vous avez compris, c'est Dora le film, qui est un pur film d'aventure et d'action et qui est super fun et qui est super, comment dire, honnête dans sa démarche parce que il fait référence au dessin animé, au matériau de base, évidemment, sans pour autant le prendre de haut et le ridiculiser. Donc du coup, on va avoir des références visuelles et auditives aux trucs les plus cultes et iconiques du dessin animé qu'on connaît tous si on est de la même génération, quoi. Oh mince, c'était mon Oh invitation de mince! chimiste de shipper, ouais. Et le. Ouais, il n'y a juste pas. Alors, désolé de vous décevoir, mais vous n'aurez pas de petite flèche bleue qui fait toudoute! Vous ne saurez Ouais, pas ça. mais ils ont transmis Oui, ça ils l'ont fait d'une autre autrement. C'est ça façon, que je trouve, ouais. c'est vachement intelligent dans la mise en scène parce qu'ils ont réussi à intégrer tous ces petits trucs, que ce soit explicitement ou implicitement. Et en plus, bah, c'est c'est fun, c'est tu t'amuses, c'est après c'est pas ça révolutionne pas le cinéma quoi, mais c'est ce qu'on attend d'un film d'aventure comme ça, et ça me rappelle les films d'aventure des années 2005-2010 plutôt, où vraiment t'allais les voir juste pour t'amuser, et en plus quand t'as regardé Dora étant petit, bah ça te touche d'autant plus, et j'ai failli pleurer à la fin. Et c'est le personnage de Dora est très très cool. Et voilà, c'est tout. Allez voir Dora si c'est encore en salle, je sais pas, mais, ou allez regardez-le autrement, mais c'est très fun. Et je recommande Dora avec de tout mon cœur. Je recommande un autre film avec des enfants cette fois, mais qui ne sont pas aussi sages que Dora. Qui est Good Boys, écrit et produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui ont fait Super Grave. Et ce n'est pas anodin de dire ça, parce que c'est un Super Grave avec des enfants en 6e. Donc, si. Et en fait, ça commence vraiment comme un délire trash avec. Et on va mettre des enfants dans des situations inconfortables et pour gêner le spectateur. Ça commence comme ça. Jacob Tremblay qui embrasse une poupée gonflable qui pense être un mannequin de secourisme pour se plaindre ensuite qu'il y a des poils dans la bouche du mannequin. C'est très glauque et très chelou, effectivement. Qu'est-ce que tu dis ? Ça nous arrive à tous. Enfin, ça nous est tous arrivé. Qu'il l'a pas fait. Mais petit à petit, le film, ça devient en fait un espèce de Titeuf en fait en film. Où en gros, c'est des gamins qui leur arrivent des trucs de grands, mais ils le voient que d'un point de vue d'enfant. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un message pour les enfants. C'est aux États-Unis, en France, il est tout public, mais aux États-Unis, il est R-rated, donc interdit au moins de 17 ans si t'es pas accompagné d'un adulte. Bah, monsieur, madame, les adultes, emmenez vos enfants, vos neveux, les enfants que vous gardez, voir ce film. Parce que ça, pour les enfants en 6e et tout, ça apprend des trucs vachement cool sur. Ben, comment des garçons doivent respecter les femmes, par exemple, ou. Le consentement, quoi. Voilà, bah. Le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Et c'est des trucs tout simples à retenir et tout, et qu'on apprend avec un humour décalé et tout, mais ça marche du tonnerre, et ça. Même. Ça, le film parle de harcèlement scolaire aussi, et ce qu'il en fait du. Dora en parle aussi, d'ailleurs. Dora en parle aussi. Et ce qu'il en fait, c'est très bien. Enfin. Voilà. Moi j'ai toujours pas vu, j'ai très envie de le voir, il faut que je me bouge les fesses pour aller le voir. Moi une autre cause, c'est jeu vidéo cette fois-ci, c'est un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Control et qui est fait par les mêmes studios, je sais plus si c'est le studio ou le développeur ou quoi que ce soit, mais enfin en gros, les personnes derrière ce jeu sont les mêmes personnes derrière Max Payne. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste un gage de qualité, quoi, mais ça n'a rien à voir. C'est très dur de raconter sans spoiler, parce que je vais juste pitcher très vite fait. On joue le personnage de Jesse qui se trouve dans un endroit qui s'appelle le FBC, donc le Federal Bureau of Control, et donc pas le FBI. Et qui est en fait un endroit plus grand à l'intérieur, à l'image du TARDIS de Doctor Who, pour les plus geeks d'entre vous. Donc c'est un immeuble dans New York, et elle se trouve dans cet immeuble alors qu'il est en lockdown, je sais pas comment on dit en français, parce que a introduit cet immeuble une entité alien qu'on connaît pas et qui a pris possession de tout. Tout le monde, tout l'immeuble, parce que l'immeuble est vivant aussi, oui, c'est un autre truc. Et en gros, ce FBC, il s'occupe des objets et des événements qui sont un peu... c'est pas paranormal, ils utilisent le mot paranaturel, qui sont un peu hors du temps, hors de l'univers, chelou, tu sais, toutes les légendes un peu bizarres de genre... Excalibur et tous les objets un peu comme ça. En gros, le jeu, dans l'histoire du jeu, ce sont des objets qui ont vraiment existé et qui sont des comment dire, ils appellent ça des objets du pouvoir, des objets qui sont des putain, je sais pas dire le mot en français, qui sont comme des routeurs wifi en gros, où des énergies passent dedans, d'autres univers, tout ça. En gros, c'est tout un bail de paranaturel, d'univers différents et tout, d'immeubles vivants et d'entités aliens, et c'est trop bien. Et Jessie du coup arrive dans cet immeuble et elle doit comprendre ce qui se passe, régler les problèmes et tout, et en même temps aller faire la chose pour laquelle elle est venue, que je vous dirai pas parce que ça serait spoilé. Et c'est un pur jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur, il me semble, PS4 et Xbox, mais je suis pas sûre. Et PC, par contre, ça je suis sûre. Et qui est super. Si vous pouvez y jouer, jouez-y. Si vous pouvez pas, regardez un let's play sur YouTube parce qu'ils sont là pour ça. Est-ce que t'as d'autres recommandations, Victor ? Non, c'est... Et ben moi j'en ai une dernière, c'est une recommandation musique sur laquelle on va terminer cette émission d'ailleurs, et c'est le dernier album de Brockhampton que j'aime de tout mon cœur, et je pense que j'en ai déjà parlé dans cette émission de ce petit groupe de 14 personnes qui est le meilleur boy band de l'univers d'après eux et d'après moi aussi. Et donc leur dernier album qui est sorti le 23 août qui s'appelle Ginger et qui est magnifique, et je vous en dirai pas plus, juste allez l'écouter. Là on va incessamment sous peu entendre une des chansons de l'album qui va commencer et qui va terminer cette émission, parce que cette émission elle est déjà terminée. Oh, oh. Ouais. Mais j'espère que vous avez appris des choses sur Disney et Sony, que vous avez autant de hype que moi pour Matrix 4, et que peut-être vous allez suivre la Mostra de Venise aussi assidûment que Victor. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Victor d'avoir ouvert la salle avec moi comme à chaque fin de mois pour revenir sur tous les bails. Ouais, merci à toi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission et au mois prochain pour un prochain rattrapage. Au revoir. Au revoir. Soft shit, divine intervention, movie style. It's hard to tell what a prayer compels. You can find me dancing in between the range. I'm trying to find a way to make the pain stop. All the time, I'm in the graveyard. Got a nigga feeling drained. My instability trademark. Copywritten in all my decisions. This is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison. Spend my time alone before I need to call you. You're the only one I want by my side when I'm falling. Tell me what I'm waiting for. With the braces on, you slide out the back without the neighbors knowing. Pose for the picture with the pearly whites. Deadlands zooming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she gave me all I need for the night. 40 survives, morally right, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Preacher put me up around noonish. Alpha blood, yeah, we coolin'. Preacher put my outcast, 100 days eating, yeah, we cruising. Ooh, and I love you right. That's all you